Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait parvenir un message de consolation au maréchal Kim Jong-un. À propos de la triste nouvelle des grandes pertes en vie humaine et matérielle à cause de l'inondation survenue au nord de la République populaire démocratique de Corée, le destinataire a formulé de profondes consolations, solidarité et sympathie totale au nom du gouvernement et du peuple algérien ainsi que de sa part. En adressant de profondes sympathies aux familles sinistrées à travers le maréchal Kim Jong-un, il lui a formulé son hommage le plus sublime.